Antigo Extremo. Look at the car. arc-en-ciel, un amour de FM. Donc bonjour à tous et à toutes, 13h passées de 30 minutes, et bien bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel, c'est vous, point d'écoute. Nous sommes ensemble pendant quelques heures pour l'émission du mardi après-midi. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Donc, je vous souhaite de passer bon après-midi avec plusieurs chansons différentes. Voici donc déjà, je vous laisse avec Eddie Mitchell, avec son titre, le titre s'appelle Son pas cruel. Et juste après, Renaud avec Son bleu. Années où

arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc, on va changer, voici le country, avec tout simplement Country Sister. By the rocks and trees, rocks and trees, down by the road. Voici donc qui s'appelle tout simplement Alexia Stefano, le titre tout simplement Vamos a la fiesta. Et puis juste après Omar, tout simplement dans Omar. Because passé un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Voici donc la Isla Bonita, Madonna. Just like I know who's gone, I knew the song.

l'expression de l'indignance, bruit de rêve de revanche. Aurais-je été de ces improbables consciences, là au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les toplands de Belfast, soldat d'une fois. J'ai la force envers et contre les mains, trahir ton humain. Si j'étais Ney Blanche et Richard Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je autant de ces cris portés par le vent? Rien ne sera. J'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne, toi et moi, si possible, très longtemps. No, no, no. à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, je vous laisse avec les Ronettes, avec le titre Be My Baby. Et puis juste après, on écoutera Christophe Williams. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc la grille des programmes pour aujourd'hui, demain, tout cela. Donc à partir de ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec l'émission Electric Shock. Voilà, ben, c'est pour demain. On sera déjà mercredi. Suivi à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor, avec Portéal en festin. Et puis dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria. Et donc ainsi en soirée, à partir de 18h jusqu'à 19h30, tout simplement avec Violette, l'émission traditionnelle. Et puis juste après, entre 19h, eh bien vous allez retrouver entre jusqu'à 21h avec Christina. Voilà, donc on connaît les chansons. Je laisse avec tout simplement le country au retour. Married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe? come from Cotton Eye Joe. Well, the midnight jet might find you on a rainy night street. Head up ahead, slow me down, making no time. I gotta keep rolling. I close the windshield wipers, slapping out the tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. Laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. You never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Adeline. Et puis juste après lui, Kenji Girac. J'aurais laissé

l'amour de la scène. Voilà donc un petit bonjour à Anna, tout simplement, et un petit à son mari Agostino. Voici donc qui vient trois chansons pour elle, tout simplement. Voici Mireille Mathieu avec Santa Maria, suivi de une des génériques de Maya et un bon morceau de Portugal, là, juste après. Sous le bleu d'un ciel sans hiver, au bout du monde, et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des statue à des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire, et c'est celle. David Asseloff avec tout simplement son titre Soft on the Light et puis suivi de Otaki, donne-moi. The light day is fading, you're asleep beside me. I'd give my life if you would stay. Door behind you upon the jamais dans le sens qui est le bon. Donne-moi enfin un peu de toi. Donne-moi un peu de toi. Pour avancer, toi et moi, on ira marcher là-bas. Balancez, balancez, l'amour de la femme. Voici donc Lily Armollet, un petit coucou, et voici le titre de chanson qui s'appelle « Je m'évade ». Je m'évade et je m'enfuis. Je m'évade et je m'enfuis. Comme une rebelle, une fée moderne, aux gants de velours et porte jartelle. Je suis mi-ange et mi-démon, les graffitis portent mon nom. Voici donc le titre, s'appelle tout simplement Cœur en or avec Sébastien Derouel. Dans nos cœurs en or, où l'on chante encore l'écho, tous les gens du Nord connaissent très bien la chanson. Cœur en or, pas si fort pour sa région. Comme au nord, on allait tous au charbon. Une tempête sur ton chemin de vie. T'es parti de loin pour être ici. Le temps passe comme la lumière, le moment présent est derrière. On ne sait plus ralentir. On apprend souvent d'un vent de face, d'un orage qui souffle et laisse des traces. À force d'attendre en silence, rien ne fait jamais de sens. Il faut se parler pour comprendre, il faut s'écouter pour s'entendre. Allez, debout, réveillons nos cœurs. in mwen isha na kwe tisha isha na kwe tisha e mwen wash te wash kwa chito den na no a kwa te ma kya na mo ya kwe mwen te kwen chan no dans tes bras. nos cœurs s'emballent, restons là. Rien qu'une fois, prends-moi dans tes bras. Danse avec moi, restons seuls, rien qu'une fois. Danse avec moi, j'ai envie de toi. Danse avec moi, restons seuls. Un instant, vous avez pu entendre Isa Neel, Danse avec moi. Pour moi, le temps reste figé contre toi. Mais partout, las noches en vela. Oh, Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc la suite des émissions pour le jeudi matin. Après Francky, vous allez retrouver dès 9h jusqu'à midi avec Arrêt Giro pour l'émission Vase de Portugal. Et puis dans l'après-midi, 15h-17h avec Chantal, Groove Tropical, suivi dans la soirée après 18h jusqu'à 20h avec Sylvie pour l'émission Pause Musicale. Et juste après elle, entre 20h jusqu'à 21h, avec tout simplement Nashorenka Julien. Et puis ainsi, le vendredi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Lorenzo. Et ainsi, moi-même, vous pouvez me retrouver l'après-midi, donc à partir de 13h30 jusqu'à 16h. Voici donc eh bien, la grille tout simplement pour la semaine. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec tout simplement d'autres chansons différentes avec Régis Fléchot avec Cueille les fleurs. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Hélas, et qui fait vivre, c'est le but de la vie, et c'est le seul espoir. Qui comme un élixir nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. Thank you. Diego Morena et Jean-Philippe Audin. Voici donc les titres.

Turn the world with thee. Tennessee. In the moonlight time, I remember the games of my life. Now how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. How old are you? Auditeur Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. être après Michel Prouveau, le titre c'est La Folie Country. On va rester dans le country avec Country Redlax. Married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Voici donc, il s'appelle Frédéric Arnaud et le titre que tu vois, tout simplement. Que toi, ma lumière.

si tu me veux, si tu me crois, quand je dis n'importe quoi, dormir avec toi, même si je suis fou, même si je dis que je t'aime comme un fou blême, n'ouvre pas. Voilà donc, juste après le duo de Marc Lavoine avec Alex Red, voici Coco Caline avec Julien Doré. Sur la plage, 16h50, et eh bien l'émission touche à sa fin. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en ma compagnie. On va se retrouver prochaine fois, voilà. Et donc, je souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, bonne semaine, et je vous dis à la prochaine. Merci, bonsoir. Sogra pra incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Diz que o meu enxerga era com o teu carpinho de cobra. Quero ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela vamos quebrar a folga. Eu vou dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a discussão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe.